Selon le journal d'internet sud-coréen Omainus, la direction de la province du Gyeongsan du Sud de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques a organisé le 21 janvier à Changwon de la province un rassemblement d'actualité pour déclarer une lutte pour la mobilisation générale de la population. En proclamant la lutte de mobilisation générale de la population visant à exterminer les survivants du pouvoir de Park Geun-hye et les abus du pouvoir, et assurer la démocratie, la vie du peuple, la paix et la réunification, la formation a souligné d'organiser le 25 février, marquant les 4 ans de la prise de fonction de Park Geun-hye, une lutte d'envergure et intensive. D'autre part, le comité de Songju pour le retrait du projet de la disposition de Saad, le comité de mesure des citadins de Kimchon contre la disposition de Saad et le comité de mesure urgente pour protéger le lieu sacré de Songju du bouddhisme Won ont tenu le 20 dans la salle de débat politique du Parlement une conférence de presse contre l'Assemblée nationale qui se montre indifférente aux démarches des autorités pour la disposition de Saad.